Bon, on est prêt, Inch'Allah. On va commencer. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence le cours 50 dans l'explication du Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan et les commentaires du Cheikh Al-Fawzan de son commentaire. Donc, au dernier cours, on avait lu la citation de l'imam An-Nawawi qui expliquait le verset, c'est-à-dire le verset 48 dans Sourate An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché qui est moindre que le shirk. Donc, on avait lu cette citation de l'imam An-Nawawi qui clarifiait la compréhension de ce verset-là. Maintenant, on continue, inshallah, avec les commentaires maintenant de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan à propos de cette citation-là. Il dit « قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc ici le cheikh il revient donc sur la citation de l'imam al-Nawawi et par rapport au verset et il explique que ce que l'imam al-Nawawi a mentionné à propos de ce verset-là, c'est la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et il n'y a pas de divergence entre eux à ce sujet-là. Maintenant, juste pour nous remettre dans le contexte, on est dans le chapitre Babun al-Khawfu min al-Shirk, c'est-à-dire la peur du shirk. Et ici, c'est important de comprendre une chose. Et la citation de l'imam al-Nawawi, si vous voulez, on peut juste la relire encore une fois pour savoir exactement de quoi il s'agit. Il explique que en ce qui concerne du mushrik et que le fait que le mushrik entre en enfer, ça c'est dans le sens général de ce verset-là et c'est ce qui est clair que lorsque le mushrik meurt sur le shirk, eh bien c'est clair qu'il est en enfer pour l'éternité. Et il n'y a pas de distinction entre les catégories de mushrikines, que ce soit des mushrikines que ce soit des gens du livre, des juifs ou des chrétiens, ou des adorateurs d'idoles, ou d'autres parmi les catégories de koufars, ils sont tous concernés. Il n'y a pas de différence non plus entre celui qui est mushrik, alors qu'il appartenait à la base à l'islam, ou il faisait partie à la base des musulmans, puis qu'il a commis un acte de shirk par opposition, ou bien qu'il a renié la foi en l'islam par la suite. Ils sont tous concernés par ce verset-là. Du sens que s'ils meurent sur la mécréance ou sur l'idolâtrie ou le shirk, eh bien, ils sont en enfer pour l'éternité. Maintenant, il dit qu'il n'y a pas de divergence entre les ulama à ce sujet-là. Ensuite, il expliquait aussi que celui parmi les musulmans qui commet des grands péchés et qui meurt sans se repentir de ce grand péché-là et qui persiste à le faire jusqu'à sa mort, eh bien, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner. Si Allah veut le faire entrer en enfer, il va le faire entrer en enfer pour un certain temps, mais il ne va pas y rester éternellement. Hein? Tôt ou tard, il va sortir de l'enfer et rentrer au paradis. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué au dernier cours. Hein? Et ça, c'est comme le cheikh, il dit ici, c'est la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il n'y a pas de divergence entre les ulama à ce sujet-là parmi eux. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, par rapport à ça, هذا مجمع عليه من أهل السنة والجماعة أن من مات على الشرك فإنه من أهل النار قطعا ولا طمع له في الجنة ومن مات على التوحيد وهو من أهل الجنة قطعا ولكن فهو من أهل الجنة قطعا ولكن إن كان سالما من الكبائر دخل الجنة من أول وهلة وإن كان عنده كبائر فهو تحت المشيئة ومآله إلى الجنة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc, ici le cheikh explique que le sujet dont on a parlé là, c'est une chose sur laquelle les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a sont tous d'accord. que le mouchrik, s'il meurt sur le shirk, il est certain d'être parmi les gens de l'enfer et il n'aura aucun espoir d'aller au paradis. Tandis que s'il meurt alors qu'il fait partie des gens du tawhid, eh bien, il va aller au paradis, ça c'est certain. Sauf que il y a une différence entre celui qui va rentrer au paradis du premier coup et celui qui va rentrer au paradis après avoir passé par l'enfer. Donc, s'il fait partie des gens qui se sont écartés des grands péchés et qui meurent sur le tawhid, ils vont rentrer au paradis directement. Tandis que s'ils font partie des gens qui ont commis des grands péchés et qui meurent sur le tawhid, eh bien, ceux-là, si Allah veut les punir, il va les punir par sa justice, il va les faire passer par l'enfer, mais éventuellement, ils iront au paradis et ils sortiront de l'enfer. Donc, ça, c'est la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a à propos de ça. Maintenant, il est important aussi de comprendre par rapport à ce sujet que beaucoup de musulmans et même de non-musulmans, ça c'est pas surprenant, mais même parmi les musulmans, il y en a qui ont ignoré ou mal compris la notion d'adoration et la notion de shirk. Donc, parce qu'ils n'ont pas compris ce que signifiait l'adoration, eh bien, ils ont commis beaucoup de formes de shirk sans le savoir parfois. Et l'autre jour, je parlais avec un chrétien, puis je lui disais que le fait que les chrétiens prient à des saints, par exemple, que ça c'était du shirk et c'est de l'idolâtrie d'une certaine façon parce qu'ils vénèrent des morts. Et lui, il me dit non, ça c'est pas de l'adoration, c'est de la vénération. J'ai dit la vénération, appelle-le vénération, appelle-le adoration, appelle-le amour, appelle-le respect, peu importe, c'est de l'idolâtrie. Hein. Le fait que tu parles avec un mort, tu demandes à un mort de te rapprocher d'Allah, ou bien tu demandes à un mort de prier pour toi pour que tu sois plus rapproché d'Allah, tu le prends comme un intermédiaire ou un intercesseur entre toi et Allah, parce que lui il est pieux, tu penses qu'il peut s'adresser à Allah pour toi en ta faveur alors qu'il est mort, ça rentre dans le shirk aussi, hein? Parce que le mort il ne peut rien faire pour lui-même, alors comment pourrait-il écouter tes prières et prier pour toi alors qu'il ne peut même pas prier pour lui-même une fois qu'il est mort, hein, c'est fini. Alors, les gens souvent, parmi les gens qui commettent de l'idolâtrie, c'est comme ça qu'ils tombent dans l'idolâtrie souvent, parce qu'ils n'ont pas saisi les réalités de qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie de commettre du shirk. Et ils pensent que l'idolâtrie, c'est seulement le fait de se prosterner devant une statue. Hein? Celui qui se prosterne devant la statue, il dit « Ah, ça c'est un idolâtre ». Mais celui qui prie à un être humain qui est mort, même s'ils ne sont pas devant sa statue, ils disent « Ah non, ça, ce n'est pas de l'idolâtrie parce que lui, c'est un homme pieux », et ainsi de suite. Hein? Alors que dans la réalité, c'est la même chose. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit « Donc, il dit « وَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ وَهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُجِبُ الْخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ » Il dit ce verset, le verset 48 dans Sourate An-Nisa, et on l'a expliqué au dernier cours que ce verset se répète à deux reprises dans Sourate An-Nisa. Il se répète premièrement dans le verset 48 et à un autre endroit plus loin dans Sourate An-Nisa, le verset 116. Allah, il le dit deux fois, cette parole. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hein? Donc ça c'est le fait même le fait que Allah le répète deux fois de suite. Ça indique même à quel point c'est quelque chose de sérieux et de grave, et comment ce verset-là est fondamental aussi pour comprendre la aqidah. Et en même temps, le cheikh, il dit, c'est parmi les plus grands versets qui nous obligent d'avoir peur du shirk. Et quand on parle d'avoir peur du shirk, c'est-à-dire d'avoir peur de tomber dans le shirk ou de commettre un acte de shirk ou avoir une croyance qui est shirk ou de dire des paroles qui sont shirk ou des choses de ce genre. Et donc ça nous incite à, premièrement, apprendre à connaître qu'est-ce que c'est réellement le shirk dans toutes ses différentes formes et dans toutes ses différentes manifestations pour pouvoir s'en prévenir, pour pouvoir s'en protéger et de connaître le tawhid lui-même puisque le contraire du shirk, c'est le tawhid. Donc ça, c'est fondamental et c'est la première chose que le musulman devrait apprendre de sa religion parce que c'est la signification même du témoignage de la ilaha illallah qui est le pilier numéro un de l'islam et qui est le premier fondement parmi les piliers de la foi aussi, de croire en Allah correctement. Hein? Parce que l'autre jour, j'étais en train d'expliquer à un chrétien, je lui disais, parce que si on réfléchit bien comme il faut, il n'y a pas une religion au monde qui considère que de croire en Jésus est un fondement parmi les fondements de la foi en dehors du christianisme, excepté l'islam. C'est-à-dire, il n'y a pas une religion en dehors de l'islam qui impose à ses fidèles et à ses croyants de croire en Jésus comme étant un des éléments fondamentaux de la croyance de cette religion-là. Au point où, si par exemple quelqu'un dit, moi, je suis musulman, mais je ne crois pas en Jésus, automatiquement, il ne serait même pas considéré comme un musulman, il serait considéré comme un kafir, un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il renie la foi en un d'entre les prophètes d'Allah. Et quiconque renie un d'entre les prophètes d'Allah, c'est comme s'il avait renié tous les prophètes. Hein? Et si par exemple quelqu'un il dit non, moi je crois en Jésus, mais je crois pas que par exemple il est né miraculeusement. Hein? Je crois pas en sa naissance miraculeuse. Mais ça, c'est aussi une forme de négation de qu'est-ce que Allah a révélé. Parce que Allah il a mentionné dans le Coran qu'il l'a créé en disant soit et il fut, hein, à l'exemple de Adam, alayhi salam. Donc ça fait partie des éléments que les musulmans ont comme croyance. Et également, yani, donc ça fait partie des principes de l'islam. Il n'y a pas cet élément-là dans aucune autre religion qu'en islam, en dehors du christianisme. Et lorsque je disais ça à un chrétien, le chrétien dit, ah, mais vous n'avez pas compris ce que signifie de croire en Jésus. Parce que pour eux, ça, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement pour eux croire que Jésus est un prophète ou que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, hein, et qu'il est né de façon miraculeuse. Ça, pour eux, ce n'est pas considéré comme étant croire en Jésus. Pour eux, croire en Jésus, ça implique que tu crois qu'il est Dieu ou fils de Dieu, ou qu'il est Dieu incarné, ou qu'il est mort pour tes péchés sur la croix, et ainsi de suite. Et pour eux, si tu ne crois pas ça, alors ça veut dire que tu n'as pas cru réellement en Jésus. Hein? Si tu dis donc que tu crois que Jésus est un prophète, pour eux, ça, ce n'est pas une croyance suffisante. D'accord? Alors, moi, je lui ai répondu en disant, en réalité, toi, tu n'as pas compris ce que signifie de croire en Allah, en le Créateur. Parce que si tu avais compris ce que signifie de croire en le Créateur, eh bien, tu n'aurais jamais eu cette idée-là à propos de Jésus, hein, de croire qu'il est Dieu ou fils de Dieu ou des choses de ce genre. Et ça, c'est important de comprendre aussi, c'est que quand on dit qu'on croit en Allah, ce n'est pas suffisant de dire juste que tu crois en son existence. Il faut croire en lui de la manière que lui, il nous demande de croire en lui, avec tout ce que ça implique comme règles et comme conditions et comme principes. Et donc, c'est pour ça que le terme, parfois, ce qu'on dit, le fait de croire, c'est très, très général, mais il faut vraiment comprendre que la croyance dont on parle et la foi dont on parle, ce n'est pas une foi qui est, disons, générale ou une foi quelconque. Non, c'est une foi spécifique, une foi qui est, yani, conditionnée, qui a des règles et qui doit être en accord avec les principes et les règles telles qu'elles ont été révélées par Allah dans le Coran et dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ce ne sera pas considéré comme étant une foi réelle et comme étant yani, correcte. Et pour être sûr que notre foi en Allah est correcte, eh bien, il faut connaître le tawhid et les règles du tawhid et connaître le shirk parce que c'est ce qui oppose le tawhid et c'est ce qui contredit le tawhid. Donc, le fait de connaître le tawhid et ceux qui s'y opposent, c'est ce qui nous protège dans notre croyance, disons, pour ne pas tomber dans ce qui contredit notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, une fois qu'on a compris le verset 48 dans Sourate An-Nisa, on va avoir plus peur de tomber dans le shirk, puisqu'on connaît à quel point c'est dangereux, hein, puisque c'est la seule chose qui. Si on meurt dessus, eh bien, ça nous garantit l'enfer pour l'éternité. Donc, c'est la plus grande menace et le plus grand danger pour un être humain, c'est de commettre le shirk, hein, et de faire ce qui est shirk. Et Le cheikh, il explique ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là. Il dit « Wa hiya qawluhu azza wa jal inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi fa iza qila laka ma huwa al-dhanb alladhi la yughfar taqul al-shirk lianna allaha azza wa jal qala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi » Donc, ce verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk. Si quelqu'un te pose la question, c'est quoi le péché que Allah ne pardonne à personne? Hein? C'est quoi le péché que Allah ne pardonne à personne? Eh bien, tu dis, yani, c'est le shirk. Parce que Allah dit dans le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. C'est-à-dire, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Mais, ici, pourquoi il dit qu'il ne pardonne pas autre que le, c'est-à-dire que le shirk, c'est le seul péché qu'il ne pardonne pas. Pourquoi il dit ça? Parce que les autres péchés qui sont moindres que le shirk, il peut les pardonner à qui il veut. Et quand on dit qu'il ne pardonne pas le shirk, ça ne veut pas dire que si tu commets du shirk et que tu te repens, Allah va pas te le pardonner. C'est pas ça que ça signifie. Quand on dit que le shirk, c'est le seul péché que Allah ne va pas pardonner, ça veut dire le seul péché que Allah ne va pas pardonner si tu meurs sans t'en être repenti. C'est ça que ça signifie. Parce que sinon, même le shirk, Allah le pardonne à celui qui se repent. Il pardonne à celui qui se repent tous les péchés, même le shirk. Mais le péché qu'il ne pardonne pas à quelqu'un s'il meurt sur le shirk sans s'en être repenti, c'est ça. C'est le shirk. Si tu meurs sans te repentir, tu ne peux pas être pardonné. Tandis que si tu meurs parmi les kaba'ir, moindre que autre que le shirk ou autre que le kufr, et que tu meurs sans te repentir, hein, comme par exemple voler, tuer, commettre le zina ou bien faire d'autres crimes comme ça, si tu meurs sans t'en être repenti, hein, Allah peut quand même te pardonner. Il peut quand même te pardonner. Et même si il te punit par l'enfer, eh bien, tu sais que tu ne vas pas y rester éternellement tant que tu étais sur le tawhid et que tu n'as pas commis de shirk. Hein? Tandis que celui qui meurt sur le shirk, c'est fini pour lui. Hein? Son cas est réglé. Son cas est fini. Il meurt sur le shirk, il va en enfer pour l'éternité. Hein? Ensuite, le cheikh il dit « لأن الله قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد » C'est-à-dire que Allah a coupé le pardon pour le mushrik et il lui a rendu obligatoire l'éternité en enfer et il l'a rendu général. Il n'a pas spécifié, il n'a pas mis aucune restriction à cela. Donc c'est la preuve que c'est général et que celui qui meurt sur le shirk, eh bien, il est en enfer pour l'éternité. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Ça c'est un autre verset dans sourate Al-Ma'idah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le verset 72, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché. Ah non, pardon, c'est l'autre verset, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis. Et sa destination, son refuge sera l'enfer. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Donc le paradis lui devient haram. Celui qui fait le shirk, le paradis devient haram pour lui. Et ça, son refuge sera l'enfer. Après, le cheikh, il dit par la suite, par rapport au verset 48 dans sourate An-Nisa, ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et donc ici, c'est pour expliquer que pour tout autre péché qui est moindre que le shirk, Allah le pardonne à qui il veut. Mais il n'a pas dit il pardonne le shirk à qui il veut. Il a dit seulement qu'il pardonne à qui il veut un péché qui est moindre que le shirk, parce que le shirk lui ne pardonne pas. C'est ça la restriction. Hein? C'est ça qu'il a été établi comme restriction pour les autres péchés, c'est-à-dire les péchés qui sont en dehors du shirk. Et il mentionne, Cheikh Al-Fawzan, « Min ahlil kaba'ir allati duna shirk, fahum tahta al-mashi'ah. » Donc les gens qui ont commis des péchés qui sont moindres que le shirk, ils sont sous la volonté d'Allah. C'est Allah qui va décider qu'est-ce qu'il va faire avec eux. Hein? S'il les punit, s'il les fait rentrer au paradis directement ou s'il les punit un certain temps avant de les faire rentrer au paradis. Ensuite, le cheikh il dit فَخَصَّصَ وَقَيَّدَ فِيمَا دُونَ الشِّرْكِ فَهَذَا الذَّنْبُ الَّذِي هَذَا شَأْنُهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ فَلَا يُرْجَى لَهُ مَعَهُ نَجَاةٌ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ قَبْلَ الْوَفَاةِ قَوْلُهُ قَالَ الْخَلِيلُ ça c'est le verset par la suite. Ces principes qu'on est en train d'expliquer maintenant, essayez de vous en de les comprendre comme il faut, de les mémoriser et d'être capable de les répéter à des gens si les gens ont besoin que vous leur expliquiez ces principes-là. Parce que ça, c'est des choses très importantes que chaque musulman devrait connaître en réalité. Et malheureusement, beaucoup de musulmans ne les connaissent pas. Donc, c'est bien de leur expliquer ces principes-là et de connaître le verset. Hein, si vous le mémorisez et que vous connaissiez l'explication, qu'est-ce que les ulama disent là-dessus, comme ça, quand vous l'expliquez à quelqu'un, la personne, elle va comprendre et puis elle va profiter de cette explication-là que vous lui donnez. Et ici, ensuite, le cheikh, il dit donc que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a restreint et spécifié pour les péchés qui sont moindres que le shirk, qu'il le pardonne à qui il veut. Et il dit... فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه لا يأمن أن يقع فيه qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit هذا الذنب الذي هو الشرك الذي هذا شأنه يعني لا يغفر ولا يأمن الإنسان أن يقع فيه فيحرم من المغفرة ومن جنته فما الذي يؤمنك ألست بشرا ألست عرضة للابتلاء والامتحان ما دمت على قيد الحياة أليس وجد في الناس من كان مؤمنا ثم ارتد ومات على الكفر أو الشرك أما تخاف. Donc ici le cheikh il explique un point, il dit donc une fois que tu sais que le shirk il est grave comme ça, à ce point-là et que tu comprends son danger, est-ce que tu vas pas avoir peur de tomber dedans? Est-ce que tu vas pas avoir peur de tomber dedans dans le sens que est-ce que tu vas pas réaliser que en réalité tu n'as aucune garantie ou aucune sécurité que tu ne risques pas de tomber dans ce péché-là aussi? C'est ça l'affaire aussi qui est importante de comprendre, c'est que il y a rien qui te il y a rien qui empêche que un jour ou l'autre tu commettes un acte de shirk ou que tu prononces une parole de shirk ou que tu tombes dans quelque chose qui est shirk et que tu yani sois donc responsable d'avoir commis ce péché-là avant ta mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rester toujours sur nos aguets. Il faut toujours rester vigilant pour éviter justement de tomber dans ce genre de situation-là. Parce qu'aujourd'hui, là, tu dis, non, moi, je connais ma religion, je connais mon tawhid, j'ai étudié les règles du tawhid, je connais le tawhid, je connais le shirk, et je sais ce que c'est le shirk. Donc, je veux pas tomber là-dedans, je vais me protéger. Sauf que tu sais pas, un jour, quelque chose qui t'arrive, puis que tu prononces une parole de kufr ou de shirk, ou bien que tu fais un acte, ou que tu dis quelque chose, ou tu fais quelque chose qui contredit le tawhid, et tu ne réalises pas à ce moment-là, ou bien, yani, disons, tu te laisses dans tes passions, et tu tombes dans cette chose-là. Donc, tu ne dois pas te sentir à l'abri, dans le sens que tu dois toujours te préserver, et essayer de te protéger de ça, et demander à Allah de t'aider, à t'écarter de ce genre de choses-là. Parce que le cheikh, il dit, l'être humain, c'est un être humain. Et il n'y a rien qui l'empêche que, tôt ou tard, il puisse commettre ce péché. Et qu'il soit, à cause de ça, privé du pardon et du paradis d'Allah. Il dit, n'es-tu pas un être humain? Oui, tu es un être humain. N'es-tu pas susceptible de tomber dans les épreuves et les tests et de mourir, hein, dans un péché quelconque? Oui, c'est possible, ça peut arriver, hein? Donc, yani, est-ce qu'il n'y a pas eu dans le passé des gens qui étaient croyants, puis qui par la suite ont quitté la foi et sont morts sur la mécréance ou dans le shirk? N'est-ce pas que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé à des gens. Donc, n'est-ce pas qu'on devrait dans ce cas-là avoir peur que cette chose-là puisse nous arriver à nous aussi? Oui, on devrait tous avoir peur que cette chose-là nous arrive également. Et il dit Fala yurja lahu ma'ahu najatun, hein? Donc, yani, celui qui meurt sur ce péché-là, on espère pas, il n'a pas d'espoir d'aucun salut si il meurt sans s'être repenti de ce péché-là avant sa mort. Et il donne un exemple, hein, que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ici. Il dit Waqala al-Khalil alayhi salam, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Hein? Et Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Khalil al-Rahman, hein, wal khullatu, akhassu min al-mahabba. Walihada, ikhtassa biha al-Khalilan, Ibrahim wa Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam, hada aydan yukhifu al-abd. Hein, fa'idha kana al-Khalil, imam al-Hunafa, alladhi ja'alahu Allahu ummatan wahdahu. وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال وإبراهيم الذي وفى وأمره بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله ولا ولا بحوله هو وقوته. Donc, on va expliquer ces points-là. Le cheikh, il explique ici que ensuite, donc l'exemple de Ibrahim alayhi salam qu'on appelle al-Khalil, hein, le bien-aimé d'Allah azza wa jal. Eh bien, il dit dans un verset, qui est le verset 35 dans Sourate Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quand il dit « Écarte-moi ainsi que mes enfants que nous adorions les idoles. Hein, » Que nous adorions les idoles. Et Ibrahim alayhi salam, donc on a dit que c'est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le terme qui est employé pour désigner Ibrahim, c'est « Al-Khalil hein, ». « Al-Khalil » qui vient de « Al-Khulla » en arabe. Et Al-Khulla, c'est une des formes d'amour les plus particulières. Hein, on appelle Al-Khulla. Ensuite, il dit que cette forme d'amour est tellement particulière que yani, elles n'ont été évoquées par Allah subhanahu wa ta'ala que pour deux d'entre ses serviteurs, Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit donc dans le verset, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, écarte-moi ainsi que mes enfants que nous adorions les idoles. Et donc, ça nous donne également une crainte hein, de tomber dans ce genre de péché-là, puisque Ibrahim alayhi salam, qui est le bien-aimé d'Allah, le guide des adorateurs purs, des adorateurs d'Allah qui adoraient Allah d'une adoration pure et qui était sur le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pris comme un exemple, un modèle. Hein? Et il était à lui seul une nation, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné. Et Allah l'a éprouvé par des paroles et des ordres qu'il lui avait donnés. Et il a exécuté chacune de ces ordres-là. Et il mentionne même dans Surat al-Najm, le verset 37, que Ibrahim est celui qui a yani, respecté et accompli tous les ordres que Allah lui avait donnés. Et il lui avait ordonné même d'égorger son propre fils, et il a même implémenté cet ordre-là comme Allah lui avait ordonné de le faire. Il était sur le point de le faire. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a remplacé par un mouton hein, qu'on sacrifie chaque année en exemple de justement de cet acte de la part d'Ibrahim alayhi salam. Et il a été parmi les serviteurs d'Allah qui ont également détruit les idoles, hein, et qui a condamné beaucoup, qui a condamné avec force les gens qui commettaient l'idolâtrie. Donc, malgré tout ça, il craignait lui-même de tomber dans le shirk et d'adorer les idoles, alors que il est celui qui a combattu le plus l'idolâtrie. Et il dit la raison pour laquelle il a eu peur de ce shirk, c'est justement parce qu'il sait que personne ne peut en être écarté, excepté par la guidance d'Allah et par son succès. Et ce n'est pas par sa propre force et sa propre capacité, mais par l'aide d'Allah seulement. Donc ça, c'est très important de pas se sentir comme si on se suffit à soi-même et comme si on est guidé par ses propres moyens, mais de se souvenir que la guidance, elle vient d'Allah seulement et que c'est uniquement par son succès que on peut être préservé de ce genre de péché-là. Ensuite, le cheikh, il dit, en expliquant donc le verset à propos d'Ibrahim alayhi salam, le verset 35 dans sourate Ibrahim alayhi salam, il dit Hey, ab'idni wa jnubni ibadat al-asnam, fa'idha kana al-khalilu ala manzilatihi al-azimati allati ma nalaha fil khalqi illa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yakhafu ala nafsihi ma'a anna Allah attakhadahu khalilan وَمَعَ أَنَّهُ قَاوَمَ الشِّرْكَ وَكَسَّرَ الْأَصْنَامَ وَصَبَرَ عَلَى مَا نَالَهُ مِنَ الْأَذَى حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ بِسَبَبِ مَوْقِفِهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمُشْرِكِينَ وَمَعَ هَذَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ لِأَنَّهُ بَشَرٌ وَالْبَشَرُ عُرْضَةٌ لِلِابْتِلَاءِ وَالِامْتِحَانِ مَا دَامُوا عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ وَدَعَا لنبيه أن ودعا لبنيه لبنيه أن يجنبهم الله عبادة الأصنام وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام حيث لم يقتصر على نفسه بل دعا لذريته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم بين السبب الذي حمله على هذا الخوف وعلى هذا الدعاء قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فلما رأى أن عبادة الأصنام وقع فيها كثير من الناس خشي على نفسه أن يقع وهذا فيه الاعتبار والعظة بما عليه الغير والسعيد من وعظ بغيره إنهن أضللن كثيرا من الناس يعني ابتلوا بعبادة الأصنام والعياذ بالله وهذا مما يوجب الخوف يعني كثرة الشرك في الناس توجب الخوف أن يقع الإنسان فيما وقع فيه الناس وأن يسري إليه البلاء الذي وقع فيه الناس ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمن بالبلاء بعد إبراهيم إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك والابتلاء فكيف نأمن نحن على أنفسنا. Donc ça, c'est un point important que le cheikh il mentionne ici. Il dit que Ibrahim alayhi salam, dans ce verset, il demande à Allah de l'écarter du shirk. Alors que c'est Al-Khalil, comme on a dit tout à l'heure, qu'il avait ce degré élevé dans la foi et dans la religion. Et il n'y a personne qui a atteint ce degré-là après lui, excepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il avait peur pour lui-même, alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme un bien-aimé parmi ses serviteurs. Et malgré qu'il a affronté le shirk et détruit les idoles, et il a enduré tout ce qu'il a subi comme difficulté et comme nuisance de la part des mushrikines, il a même été jeté au feu à cause de sa position vis-à-vis du shirk et des mushrikines. Et malgré cela, il avait peur pour lui-même de tomber dans le shirk. et il n'a pas il a raison, il dit la raison. Il dit, il n'a pas été, il ne s'est pas senti lui-même en sécurité de tomber dans le shirk parce que c'est un être humain. Et l'être humain, il est toujours susceptible de y aller tomber dans des malheurs ou dans des épreuves ou dans des tests tant qu'ils sont en vie. Hein. Et il a aussi invoqué pour ses enfants, pas seulement pour lui-même, pour ses enfants aussi, de les écarter, hein, que Allah les écarte de l'adoration des idoles. Et ça fait partie de sa sincérité et de son bon conseil, puisqu'il ne s'est pas limité à demander la protection d'Allah pour lui-même seulement contre le shirk, mais également pour ses enfants. Et c'est pour ça qu'il dit, écarte-moi ainsi que mes enfants, hein, de l'adoration des idoles. Et il dit que la raison de ça, hein, la raison qui l'a amené à faire cette invocation-là et à faire ce doigt, c'est la raison qu'il a évoquée lui-même à la suite du verset, dans le verset 36. Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup d'entre les hommes. C'est-à-dire que ces idoles, elles ont réussi à égarer beaucoup d'entre les hommes, hein, et à attirer les hommes à les adorer. Tu te poses souvent la question comme ça, oui. Comment des gens ont été séduits par l'idolâtrie? Comment des hommes ont été séduits par des statues, hein, et des images comme ça? Et vous remarquerez que souvent, quand les gens construisent ou sculptent des statues et des idoles, ils les font d'une façon qui sont les plus attrayantes, hein, et le plus attirantes possible, pour que justement les gens soient séduits par ces statues, séduits par ces idoles, pour qu'ils aient envie de les adorer. Et tu vas pas, à moins que parfois tu trouves, par exemple, chez les hindous, parfois des statues qui sont parfois épeurantes ou qui sont laides, et que les gens, malgré tout, ils les adorent pour d'autres raisons, hein, mais parce qu'il y a des gens qui adorent le shaitan directement, hein. Il y en a qui sont clairement satanistes, mais il y en a d'autres qui n'adorent pas le shaitan directement, mais ils l'adorent par l'intermédiaire de d'autres personnages, même parfois par l'intermédiaire des messagers et des prophètes. Et parfois, c'est la mère de Jésus. Ils la font dans une forme, hein, avec une longue robe, hein, et un voile, et avec un visage qui est un visage qui montre que c'est quelqu'un de paisible et de bon, de doux. Alors, quand tu vois cette image, tu trouves ça séduisant, alors que c'est le shaitan qui est derrière. C'est le shaitan qui est derrière cette statue, qui est en train de pousser et d'attirer les gens à l'adorer en réalité. Donc tous les mushrikines sont des satanistes, sauf qu'il y en a qui sont des satanistes directs, et il y en a d'autres qui sont des satanistes indirects. Directs dans le sens qu'il y en a qui adorent réellement le shaitan, ils pensent qu'il peut les aider, et il y en a d'autres qui adorent des idoles que le shaitan a embellies pour eux. Et ils les adorent en dehors d'Allah, en ignorant que c'est le shaitan qui est derrière. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est surprenant lorsqu'on regarde ça. Mais c'est comme le cheikh il l'a dit, l'être humain, il est faible. Et il est comme ça. Il est tenté tout le temps. Et toujours, il penche vers ce genre de péché, d'égarement. Et il dit que. Ensuite, le cheikh il dit donc que lorsque Ibrahim alayhi salam a vu l'adoration des idoles et comment beaucoup d'entre les êtres humains sont tombés dans cela, hein, eh bien, il a eu peur pour lui-même de tomber dans ça. Puisque tu dis, ouais, mais c'est vrai, il y a tellement d'êtres humains qui sont tombés dans l'idolâtrie, dans le shirk. Hein, et pourquoi moi j'en ai été épargné? Pourquoi moi j'en ai été sauvé? Donc, alhamdoulillah, louange à Allah, que Allah il m'a sauvé de ça. Hein? Parce que tu vois des gens, là, subhanallah, ils adorent des êtres humains, des prophètes, des anges, des statues, des astres, des idoles, des images, des esprits, toutes sortes d'autres choses, le soleil et la lune, les arbres et les pierres, tout ça, ils adorent en dehors d'Allah. Hein? Et tu dis, mais comment, moi, j'ai été épargné de ça? C'est par la grâce d'Allah. C'est par le tawfiq d'Allah que Allah il m'a préservé de ça. Et donc, il faut avoir peur, hein, de tomber dans le shirk. Et il dit donc qu'il y a dans ça une exhortation et une leçon à prendre. Hein? Quand tu regardes les autres, il dit, comme c'est un dicton qu'on dit en arabe, « As-sa'id man wu'idha bi ghayrihi ». As-sa'id, celui qui est heureux. Hein? « Man wu'idha bi ghayrihi ». C'est-à-dire celui qui a pris un exemple de qu'est-ce qui est arrivé aux autres. Quand tu vois qu'est-ce qui est arrivé aux autres, ça te donne une leçon pour toi-même éviter de faire ce que eux ont fait comme erreur. Hein? Tandis que celui qui est malheureux, c'est celui qui apprend l'erreur par lui-même, en tombant lui-même dans le péché ou dans la faute. Hein? Si tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui tombe dans un trou. Est-ce que tu vas aller toi-même marcher dans ce même trou-là après? Non. Tu dis, tu vois l'autre qui tombe dans le trou, tu dis, ah, là, il y a un trou, je vais faire attention, je vais passer à côté. Mais un nid de poule ou quelque chose comme ça, oui, c'est vrai. Hein? Justement, aujourd'hui, tu sais, des fois, quand tu vas sur YouTube, ils te suggèrent des suggestions, parfois, de vidéos, des trucs. Des fois, tu n'as pas envie de cliquer, mais par curiosité, des fois, tu cliques, malheureusement. Et là, il y avait un garçon qui était devant comme quelque chose qui ressemble à un nid de poule, comme on appelle ici. C'est comme un trou dans la chaussée avec une flaque d'eau. Mais on voit qu'il s'apprête à sauter dedans. Sauf que lorsqu'il saute dedans, ce n'est pas une petite flaque d'eau là, un peu profonde, non. Il tombe complètement jusqu'au cou dans l'eau. Alors, quand tu regardes le trou de l'extérieur, tu ne peux pas imaginer sa profondeur, mais étant donné que l'eau n'était pas claire, donc il ne voyait pas le fond, et il est tombé jusqu'au cou là, dans l'eau. Donc, tu prends une leçon par la suite. Tu vois qu'est-ce qui arrive à ce garçon-là devant toi, tu dis, ah, maintenant je connais la profondeur de ce trou-là, je ne vais pas sauter. Hein? Je ne vais pas faire la même bêtise que lui. Tu prends la leçon des autres. C'est ça que ça veut dire, as-sa'idu man wu'idha bi ghayrihi. Tu prends la leçon de qu'est-ce qui est arrivé de mal aux autres, et toi, par conséquent, tu évites de faire la même erreur qu'eux. Il y a des gens, malheureusement, qui n'apprennent pas. Hein? Et il dit donc, elles ont, les idoles, elles ont égaré beaucoup d'entre les hommes. Et les hommes ont été donc, à cause de ça, éprouvés par l'adoration des idoles, wal'iyadhu billah, et ça, c'est ce qui nous amène à être dans la crainte. Hein. Il faut avoir peur de ce genre de choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de shirk. Il y a beaucoup de shirk. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés dans le shirk et beaucoup de femmes aussi qui sont tombées dans le shirk. Et il dit yani fatujib al khawf an yaqa al insan fi ma waqa'a fihi an-nas wa an yasri ilayhi al bala alladhi waqa'a fihi an-nas. Donc c'est ça. Et un des salaf, Ibrahim al-Taymi, il disait: et c'est qui va être en sécurité de tomber dans le malheur après Ibrahim? En voulant dire, si lui-même, Ibrahim alayhi salam, il a eu peur de tomber dans le shirk et il a demandé à Allah de le protéger, qui après lui ne devrait pas avoir peur? Hein? Tout le monde devrait avoir peur. Si lui, il a eu peur, tous on devrait avoir peur. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك والابتلاء فكيف نأمن نحن على أنفسنا. Hein? Ensuite, il explique le cheikh la signification de al-khulla. Al-khulla, c'est-à-dire cette forme d'amour qui est particulière et qui est plus spécifique, qui est un degré plus élevé d'amour que le degré ordinaire. Et il dit que cette khulla, il dit hiya a'la darajat al-mahabba. C'est les degrés les plus élevés d'amour. Al-khulla, c'est le degré parmi les degrés les plus élevés d'amour. Il dit wahiya khassa, hein, lam yanalha min al-khalq illa Ibrahim alayhi salam wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma al-mahabba fa hiya 'ammatun li jami' al-mu'minin. Fa Allah yuhibbu al-muttaqin wa yuhibbu al-mu'minin wa yuhibbu al-muhsinin ولهذا الذين يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله يعني هذا نقص في حقه عليه الصلاة والسلام، فالصواب أن يقال عنه خليل الله ولا يكفي أن يقال حبيب الله. Donc ici le cheikh il explique que parmi les créatures il y a seulement deux qui ont atteint ce degré d'amour avec Allah qui est Al-Khulla, c'est Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est les deux bien-aimés d'Allah. Et parmi les croyants, hein, eh bien, eux, ils ont droit de façon générale à l'amour d'Allah, al-mahabba. Et ça, c'est général pour tous les croyants. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il aime les pieux, al-muttaqin, ceux qui ont la taqwa. Il aime les mu'minin, ceux qui ont l'iman. Il aime les muhsinin, ceux qui ont l'ihsan. Donc ça, c'est général. Mais al-khulla, c'est spécifique à Ibrahim et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il fait il mentionne un point ici par rapport à ça. Il dit, ceux qui disent à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est Habibullah, c'est en réalité quelque chose qui est, disons, c'est quelque chose qui est inférieur par rapport à son degré réel. Pourquoi? Parce que le Habibullah, c'est général. Allah, il aime tous les croyants. Donc, il n'y a rien de particulier du fait qu'on mentionne à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le Habib Allah. Parce que yani, tous les croyants sont des Habib d'Allah. Mais, hein, Habib, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui que Allah aime. Habib. Hein? Des fois, tu dis à quelqu'un, « Ya Habibi. » Habibi, ça veut dire celui que j'aime. Hein? Mais Habib Allah, c'est général pour les croyants. Parce que Allah aime tous les croyants. Mais Khalilullah, ça c'est spécifique. Et ça c'est un degré plus élevé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à dire à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il est seulement Habibullah, mais plutôt qu'il est Khalilullah. Naam. Ibrahim alayhi salam, c'est le prophète, c'est le Khalil. Tandis que Jibril, c'est un ange. Donc ce n'est pas pareil. C'est deux catégories différentes. Et il y a cette question que les ulama ont mentionnée par rapport aux anges et aux êtres humains. Lesquels sont supérieurs? Est-ce que c'est les anges ou les êtres humains, les croyants? Et yani, les ulama, ils ont mentionné à propos des êtres humains qui sont croyants qu'eux, ils sont supérieurs aux anges. Hein? Puisque les anges n'ont pas le choix de désobéir ou d'obéir, ils sont créés obéissants. Tandis que les êtres humains, eux, ils ont le choix entre l'obéissance et la désobéissance. Et ceux parmi eux qui choisissent volontairement l'obéissance, et par conséquent, ils sont supérieurs aux anges. Mais comme je te dis, Annie, cette question-là, il y a des explications qui ont été mentionnées par les ulama à ce sujet. Et c'est des questions, Annie, si tu réfléchis comme il faut, tu vois qu'au fond, il n'y a pas grand... Il n'y a pas grand avantage ou il n'y a pas grande pratique qui découle de ce genre de polémique ou de ce genre de discussion en réalité. Est-ce que les anges sont meilleurs? Est-ce que les hommes sont meilleurs? Qu'est-ce qui en découle? Ce n'est pas quelque chose de très pratique dans le sens concret, tu vois. Donc, ce n'est pas vraiment ça le plus important à discuter, en fait. Mais plutôt, yani, c'est d'apprendre qu'est-ce qui est qui nous aide vraiment à mettre en pratique qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en pratique par rapport à notre foi. J'aimerais rajouter un point par rapport à ce qu'on a dit par rapport au shirk et le danger du shirk, et en particulier le fait que nous, on est des musulmans puis qu'on vit dans des pays qui sont des pays non musulmans. Eh bien, le danger pour nous, il est encore plus grand. Déjà, même dans un pays musulman, il y a des dangers de ce genre de choses, parce qu'il y a dans beaucoup de pays musulmans, il y a des manifestations de shirk. Hein? Il y a des horoscopes, il y a des gens qui pratiquent ça, qui croient aux horoscopes, il y a des voyants, il y a des médiums, il y a des gens qui prétendent connaître l'avenir, il y a des gens qui font du sihr. Il y a dans les pays musulmans des gens qui adorent des tombes, qui prient à des morts. Il y a des turcs soufis, il y a toutes sortes de bid'ah. Donc, dans les pays musulmans, il y a des dangers du shirk. Alors, que dire des pays de kufr? C'est encore plus grave, hein? Donc, c'est pour cette raison-là. On vit maintenant, par exemple, ici, on est à Montréal, c'est le 24 décembre. On sait qu'aujourd'hui, c'est le jour dans lequel les koufars, ils font la veillée, hein? La veillée de Noël, comme ils disent. La naissance, soi-disant, de Issa, alayhi salam, hein? Ils célèbrent ça. Ça fait partie des bid'a. Et il y en a parmi les musulmans, malheureusement, qui vont même parfois participer à des célébrations des koufars. Ils font des sapins de Noël, ils vont donner des cadeaux, ils vont même parfois faire de la dinde, hein, et faire des choses de ce genre, alors que ça fait partie des traditions et des pratiques des gens de la religion chrétienne, qui est une religion qui est contraire même aux enseignements de Issa lui-même, alayhi salam. Et donc, ils contredisent non seulement le Coran et la Sunna, mais ils contredisent aussi qu'est-ce que Issa lui-même a enseigné. Jésus n'a jamais enseigné aux gens de fêter sa naissance, et ses apôtres ne l'ont jamais fait non plus. Hein. C'est bien plus tard, après lui, que ce genre de pratiques sont apparues. Et il y a eu aussi plein de croyances et de pratiques païennes qui se sont rajoutées à cette fête. Hein. Le sapin de Noël, ça ne vient pas des enseignements de Issa, alayhi salam. On dit que le 25 décembre, c'était même une journée qui était célébrée par les païens avant l'islam en Europe. Hein? C'est ça, Saturnal. C'est ça. Oui, exactement, ils vénéraient un arbre. Parce que, en fait, c'est par rapport au. Comment ça s'appelle? Le solstice d'hiver. C'est la journée de l'année qui est la plus courte, hein, de toute l'année. Donc, il célébrait cette nuit-là parce qu'il disait que c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, parce qu'après, les jours commencent à se prolonger, hein, et alors que la nuit commençait à devenir de plus en plus longue, et là, elle est devenue le plus courte de l'année. Après, elle revient, commence à se prolonger. Donc, il y avait toutes sortes de croyances de shirk qui étaient reliées à cette date-là, avant même l'introduction du christianisme dans différentes parties d'Europe. Puis avec le christianisme, mais ils ont comme modifié certaines des pratiques pour faire incorporer à leur disons faire incorporer au christianisme leurs croyances précédentes. Ils ont mélangé les deux ensemble, c'est devenu ça. Même la notion du Père Noël, puis des cadeaux, puis tout ça, il y a beaucoup de shirk qui sont reliés à ça. Et même dans les chansons que les gens chantent le jour de Noël, il y a plein de shirk aussi. Et je me rappelle même quand on était petit, les gens, ils chantaient la chanson là, la chanson de Père Noël. Ça dit, ça, dans l'introduction de la chanson, ça dit, c'est la belle nuit de Noël, la neige a mis son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, ils feront une courte prière, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Ça, c'est quoi? C'est une prière. C'est une prière que les enfants font au Père Noël. Et le Père Noël, yani, on sait tous que c'est un être humain. Donc, de prier à un être humain. Ils disent qu'à la base, le Père Noël, c'est un personnage qui était quelque part, je pense, en Allemagne. Il l'appelle Saint-Nicolas. Hein? Saint-Nicolas. Et c'est de là qu'ils ont pris la barbe blanche et les vêtements. Bon, je ne sais pas pourquoi il a des vêtements rouges. Avec les nains, puis les chariots avec les rennes au nez rouge. Toutes ces croyances-là n'ont rien à voir avec Issa, alayhi salam. Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus n'a jamais parlé de ça. Hein? Et donc, tout ça, c'est pour dire que quand les gens se permettent de faire des innovations et des bid'a dans leur religion, eh bien, c'est ça le résultat. Le résultat, c'est ça. Et le shirk qui vient avec, c'est tout ça qui en découle. Et là, aujourd'hui, je regardais dans les trucs des nouvelles que j'ai trouvées, et ils ont montré une famille de réfugiés qui venaient de je sais pas quel pays et qui ont reçu la visite de quelqu'un. Ils sont arrivés, je pense, au Canada, puis il y a comme un Père Noël qui est venu pour les visiter, et puis il a apporté des cadeaux pour les enfants. Alors que c'est des musulmans, ces réfugiés-là, hein? Et eux, ils ont dit, ils ont eu le plus beau cadeau de Noël. C'était ça, je pense, le titre de l'article. Donc, pour les chrétiens, là, c'est comme s'ils sont dans l'idée que tout le monde devrait fêter Noël, comme eux. Et que ceux qui ne fêtent pas Noël dans le monde sont supposés d'être malheureux. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Noël. Hein? Il y avait même une chanson anglaise, ça disait Do they know it's Christmas time? Do they know it's Christmas time? Donc, ça dit, s'ils ne connaissent pas ou s'ils ne savent pas que c'est Noël, donc ce n'est pas des gens qui sont heureux là. Sont malheureux parce qu'ils ne connaissent pas Noël. Alors que dans beaucoup de pays musulmans, Noël n'existe pas. Moi, j'étais en Arabie Saoudite pendant plusieurs années lorsque j'étais étudiant là-bas. Et le mois de décembre passait, puis c'était comme si c'était un mois comme les autres. On ne sentait pas du tout qu'il y avait quoi que ce soit de spécial pendant cette période de l'année-là. Et franchement, ça faisait du bien. Hein? Parce qu'ici, là, depuis le mois de novembre, déjà, on commence à entendre les chansons de Noël. Le mois de décembre n'est même pas commencé, on voit déjà les décorations qui sortent. Donc, c'est très fatigant, Yanni. Et je me rappelle à l'époque, il y a longtemps, quand je travaillais dans un magasin de chaussures, et puis c'était sans arrêt les musiques de Noël, toute la journée, du matin jusqu'au soir. C'était presque, à force de les entendre, on avait presque envie de se mettre des bouchons dans les oreilles pour arrêter de les entendre, parce que ça devient à la fin comme si. C'est comme si de la torture presque. Hein? C'est comme si des fois, ils ont développé même cette technique quand ils veulent torturer des gens. Ils leur font entendre la même chose pendant des heures et des heures et des heures dans une pièce là, isolée. Eh ben, des fois, on a presque l'impression qu'on est en train de devenir fou après, à la fin. À la kulli hal, tout ça, c'est juste pour dire, tu vis dans cette société-là, tes enfants, ils grandissent dans cette société. Ils sont entourés par ça et ils sont affectés par ça. Hein? Les enfants musulmans, ils voient le Père Noël, ils voient les cadeaux, ils voient le truc. Hein? Ils voient l'Halloween, ils voient toutes ces fêtes, des koufars. Comment tu penses qu'eux, ils ne vont pas être influencés par ça? Et s'ils vont à l'école avec eux, eh ben c'est encore pire dans ce cas-là. Parce que les professeurs et les professeurs dans la classe, ils font les décorations, ils font les activités. Parfois même, ils font des activités, des activités scolaires basées sur ce thème-là, sur le thème des fêtes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Si tu es musulman, tu ne veux pas participer à ça. Hein? Donc là, peut-être tu es obligé d'aller voir le professeur pour dire, écoutez, madame, moi, je suis musulman, je crois pas en ça, donc je ne veux pas participer à cette activité. Donc, qu'est-ce qui va t'arriver dans ce cas-là? Tu vas être exclu. Hein? On va te mettre dans le coin, puis on dit, OK, ben toi, tu ne peux pas faire ça, donc toi, tu vas faire ton projet toute seule. Et beaucoup de musulmans, ils n'aiment pas se sentir exclus, ou ils ne veulent pas se sentir à l'écart. Alors, ils vont juste se taire et faire comme les autres. Hein? Tout ça à cause de quoi? À cause du fait que des parents musulmans ont voulu s'installer puis vivre dans cette société, hein, sans tenir compte des différences de religion. Mais le danger par la suite, c'est que ces enfants-là, ils partent, hein, ils quittent la foi à cause de ça. Il y en a beaucoup qui ont quitté justement à cause de toutes sortes de choses comme ça. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est 6 heures, je pense qu'on va s'arrêter, inshallah, pour aujourd'hui ici.